Tyset. Sous les pieds, on en rêve tous, mais pour l'instant, pour le crack c'est sous l'évier, et la barbe est sous le kiffier. Du marbre sous les pieds, on en rêve tous, mais pour l'instant, pour le crack c'est sous l'évier, et la barbe est sous le kiffier. Même au bord du gouffre, j'tends pas la main à mon pire ennemi. Souffrance et douleur sont dans mes disques comme une hernie. T'emportes rien du tout, même si tu coffres et que tu fais blerni. Ça marche pas comme faire ses ablutions avec du vernis. Du big bang à Magdoum, plus qu'elle est tatouée sur sa chine. Un état-major à Khartoum, j'suis armé comme un pashtoum. Tenez le préambule, j'avance comme la péninsule. Jeune noir traverse le fil de la vie comme un funambule. Maman, tu pleures sans fin, je sais même plus si tu souris. Tous tes fils sont fins, mais les tirs sont nourris. Cap carence affective, en enfance difficile. Dans la ville, que pour l'argent facile. Du marbre sous les pieds, on en rêve tous, mais pour l'instant. Pour le crack, c'est sous l'évier, et la barbe est sous le kéfier. Du marbre sous les pieds, on en rêve tous, mais pour l'instant. Pour le crack, c'est sous l'évier, et la barbe est sous le kéfier. La barbe est sous le kéfier, pour le crack, c'est sous l'évier. Y'a pas de sous-métier, viens pas nous défier. Du marbre sous les pieds, on en rêve tous, mais pour l'instant. Pour le crack c'est sous l'évier, et la barbe est sous le kéfier. J'sais pas si le pire c'est que les narcotiques s'introduisent, ou si le plus dangereux soit que les Sarkozy se reproduisent. J'suis sur un gros bis, j'me moque qu'on m'applaudisse. Et si tu portes un micro, alors c'est mon Glock qui improvise. On douille la vie directe en France, pas de diplôme dans nos zones. Des couilles négro XY grâce à la danse des chromosomes. On me doute en haut du building, tu peux te retrouver à 6 pieds. Rien n'est acquis, le chasseur peut devenir le gibier. Si je vous ai raté, sachez que je voulais vous canner. Un flic noir, c'est les gens fait du poulet boucané. J'y pense tous les jours de l'année, donc je voulais vous parler. Vous dire qu'on est tous tannés, amenés à être armés. Du marbre sous les pieds, on en rêve tous, mais pour l'instant. Pour le crack c'est sous l'évier, et la barbe est sous le kiffier. Du marbre sous les pieds, on en rêve tous, mais pour l'instant. Pour le crack c'est sous l'évier, et la barbe est sous le kiffier. La barbe est sous le kiffier, pour le crack c'est sous l'évier. Y'a pas de sous-métier, viens pas nous défier. Du marbre sous les pieds, on en rêve tous, mais pour l'instant. Pour le crack c'est sous l'évier.